Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'admirez-vous ou le raillez-vous? Vous voulez le décrire? Prenez un melon de Honfleur pour le torse, pour les deux jambes, deux asperges d'Argenteuil, pour la tête, un piment de Bayonne, pour l'œil, une groseille de Bar-le-Duc, etc. Ça y est, c'est un coq. Il est beau, il est fier, il est le héros-titre, le personnage principal, le phénix que l'on admire, le coq, pour lequel tous les cœurs font toc-toc. Il rit d'orgueil de ses barbillons rouges. Il en est persuadé, c'est grâce à son chant que le soleil se lève, cette chose d'or qui s'appelle le jour. Chantecler, le coq. Une pièce qui va nous être lue par un comédien unique, 70 rôles, que des animaux, dont une vieille pintade qui connaît Kant. Première diffusion sur la chaîne parisienne, le 16 août 1954. Mesdames, messieurs, la radiodiffusion télévision française présente une émission publique du Club d'essai transmise du Théâtre des Noctambules, lecture à une voix, émission de Michel Pollack et Guy Maxence. Aujourd'hui, Chantecler, pièce de Edmond Rostand, lue par Aimé Clarion, sociétaire de la Comédie Française. Voici Aimé Clarion. Mesdames, messieurs, vous savez donc de quoi il est question. Chantecler, 4 actes d'Edmond Rostand. La distribution comporte 70 acteurs. Ça se passait en 1910. Chantecler, Lucien Guitry, Patou, le chien Jean Coquelin, le merle Félix Galipeau, le paon Dauchy, le rossignol Madame Marthe Mello, le grand-duc d'Orival, le chat-huant Pierre Renoir, etc. Et la faisane, Madame Simone. On frappe les trois coups. Le décor. Intérieur d'une cour de ferme. Les bruits nous l'ont décrit d'une façon exacte. Portail croulant, mur bas, fleurie d'ombelle, foin, fumier, meule de paille et la campagne au loin. Les détails vont se préciser au cours de l'acte. Sur la maison glycine en mauve cataracte. La niche du vieux chien de garde dans un coin, épars tous les outils dont la terre a besoin, et des poules vont, levant un pied qui se contracte. Un merle dans sa cage, une charrette, un puits, canard, soleil, parfois une aile bas, et puis une plume un instant vole, toute petite. Des poussins, pour un verre, se disputent entre eux. Le dindon porte au bec sa rouge stalactite. Silence chaud. Rempli de gloussements heureux. Scène première, toute la basse-cour, poule, poulet, poussin, canard, dindon, le merle dans sa cage, le chat endormi sur un mur, puis un papillon sur des fleurs. La poule blanche picorant. Ah, c'est exquis ! Une autre poule. Que croquez-vous ? Que croque-t-elle ? C'est ce petit insecte appelé cicindelle qui parfume le bec de rose et de jasmin. Vraiment, ce merle siffle avec l'art d'un gamin. Le dindon rectifiant avec solennité. D'un gamin qui serait un pâtre de Sicile. Il ne finit jamais son air. C'est trop facile, finir. Il fait donc bon cueillir, cueillir, canard. Sache qu'il faut savoir ne pas finir en art. Cueillir, bravo! Le merle sort de sa cage. Un poussin étonné. Il sort ? Le merle, oui. Quand le public vibre, je suis apprivoisé. Mais sa cage, il est libre d'en sortir brusquement et d'y rentrer soudain, car la porte n'a pas de ressort à boudin. Cueillir, ce n'est plus rien si l'on dit ce qu'on cueille. La poule noire, oh, le beau papillon ! La poule blanche, où ? La poule noire, sur le chèvrefeuille, le dindon. Ce papillon s'appelle un mars. Le poussin, oh, sur l'œillet. La poule blanche, un mars. Pourquoi? Le merle, mais parce qu'il vient en juillet. La poule blanche, ce merle, il est roulant. Le dindon mieux que roulant, ma chère. Une autre poule. C'est chic, un papillon, le merle. C'est très facile à faire. On prend un W qu'on met sur un Y, une poule. Il dessine une charge en quatre coups de bec. Il est très fort. La poule beige. Tu prends du piment? Oui, beaucoup. Pourquoi? Ça fait rosir le plumage. Ah, coucou. Tiens, coucou. La poule blanche, le coucou. La poule grise, lequel? Celui qui loge dans les bois ou celui qui loge dans l'horloge? Coucou. Celui des bois. Ah, je craignais d'avoir manqué l'autre. C'est vrai, tu l'aimes sans le voir. Il habite un chalet pendu dans la cuisine, au-dessus du fusil et de la limousine. Dès qu'il chante, j'accours, mais je n'arrive, hélas, que pour le voir fermer son petit vasistas. Ce soir, je vais rester sur le seuil. Poule blanche, qui m'appelle? Un pigeon. Où? Sur le toit qui penche. Ah! Bien que d'un billet pressé, je sois porteur, je m'arrête. Bonjour, poule. Bonjour, facteur. Oui, puisque mon service au poste de l'espace fait qu'en ce soir d'été, par votre ciel, je passe, je serai bien heureux de pouvoir... Un moment! Que croquez-vous? Que croque-t-elle? Du froment. Donc, ce soir, sur le seuil, il faut que je demeure. La porte est close. Oui, mais j'entendrai sonner l'heure. Et pour voir le coucou, je passerai le cou. Poule blanche! Un moment! Et pour voir le coucou, tu passeras le cou par où? Par la jatière. Le pigeon. Vous me laissez le bec dans l'eau de la gouttière. Et la plus blanche des poules, tu me disais que je serais... Quoi donc, le plus bleu des bisets? Bien heureux si... Mais non, l'audace est indiscrète. Je pouvais voir... Quoi? Rien qu'un instant. Quoi? Sacrée. Oh, il veut voir. Mais oui, je veux voir. Calme-toi. J'attends en trépignant. Il abîme le toit. C'est que nous l'admirons. Tout le monde l'admire. Et j'ai promis à ma pigeonne de lui dire comment il est. La poule blanche, superbe. On ne peut le nier, le pigeon. Nous l'entendons chanter de notre pigeonnier. C'est celui dont le chant tient plus au paysage qu'à la pente d'un mont, la blancheur d'un village. Car toujours au lointain, sa voix se mêle un peu. C'est celui dont le cri perce l'horizon bleu, comme une aiguille d'or qui, toujours enfilée, coudrait au bord du ciel le bord de la vallée. C'est le coq, le merle, pour lesquels tous les cœurs font toc toc. Notre coq, le merle, mon, ton, son, notre, votre et leur coq. Le dindon, il va bientôt rentrer de sa ronde champêtre. Ah, vous le connaissez, monsieur? Je l'ai vu naître. Ce poussin, car pour moi c'est toujours un poussin, venez prendre chez moi sa leçon de buccin. Ah, vraiment, vous donnez des leçons de... Sans doute, je puis apprendre à coqueriquer. Je glougloute. Où donc est-il né? Dans ce vieux panier. Et la poule qui l'a couvé vit encore? Elle est là. Où? Dans ce vieux panier. De quelle race est-elle? C'est une bonne vieille et traditionnelle poule gasconne, née aux environs de Pau. Le merle, c'est celle qu'Henri IV a voulu mettre au pot. Le pigeon, avoir couvé ce coq, qu'elle doit être fière. Le dindon, oui, d'une humble fierté de maman nourricière. Son cher poussin, c'est là tout ce qu'elle comprend, devient grand. Et quand on lui dit qu'il devient grand, sa raison presque éteinte un instant se réveille. Et la vieille, il grandit. Toutes les poules, il grandit. Le pigeon à la vieille poule. Et la vieille, ça vous fait non plaisir qu'il grandisse? La vieille poule. Pardi, le blé de mercredi fait honneur à mardi. Le dindon, de temps en temps, elle ouvre et craque avant de clore, elle laisse tomber une fleur de folklore, un dicton qu'elle invente et qui sent le patois, et qui tombe assez bien, et quelquefois. La vieille poule, quand le pan n'est pas là, le dindon fait la roue. Le pigeon, est-ce vrai que jamais chante clair ne s'enroue? La poule blanche, c'est vrai. Le pigeon, vous êtes fier d'avoir sous ses ormeaux un coq qui comptera parmi les animaux illustres, dont le nom vivra dans plusieurs lustres. Le dindon, très fier, très fier, très fier. à un petit poussin. Quels sont les animaux illustres? Le poussin, le pigeon de Noé, le barbet de Saint-Roch, le cheval de Cali, le danan Cali, le poussin cherchant Cali, le pigeon. Ce coq, est-ce vrai que son chant rythme active, guerroie, fait rire le travail et fuir l'oiseau de proie? La poule blanche, c'est vrai, le poussin cherchant toujours Cali, Cali. Le pigeon poule blanche, est-ce vrai que son chant défenseur de l'œuf tiède et sacré empêcha souvent l'onduleuse belette d'avoir à son plastron des taches le merle d'omelette? La poule blanche, c'est vrai, le poussin Cali, Cali. Le dindon pour l'aider, gu, gu. Le poussin, gu, gu. Le pigeon poule, est-ce vrai? Le poussin ayant trouvé Gula, Gula, Gula, pour chanter si bien, dit le pigeon. On suppose qu'il a un secret, ce secret qui rend sa voix si rouge, qu'à son cocorico, le coquelicot bouge comme s'il s'entendait appeler par son nom. La poule blanche, c'est vrai. Le pigeon, ce grand secret, nul ne le connaît. La poule blanche, non. Le pigeon, il ne le dit même pas à sa poule. La poule blanche rectifiant, à ses poules. Le pigeon scandalisé, ah, il y en a plusieurs. Le merle, il chante, tu roucoules. Le pigeon, même à sa favorite, alors il ne dit rien. La poule de Houdan vivement, oh, rien. La poule blanche, rien. La poule noire, rien. Le merle, silence. Un drame aérien. Le papillon piaffant comme un petit Pégase n'a pas vu. On aperçoit dépassant le mur un grand filet vert qui s'approche tout doucement du papillon posé sur une des fleurs. Une poule, qu'est-ce là? Le dindon, c'est le destin. Le merle, en gaz. La poule blanche, oh, un filet, au bout d'un bambou. Le merle, ce bambou se termine par un bambin à l'autre bout. À mi-voix en regardant le papillon, muscadin qui toujours vers d'autres roses cingle, tu vas être tiré ce soir à quatre épingles. Tout le monde, palpitant, ça s'approche, oui, poco à poco, chut, prendra, prendra pas, prendra, cocorico. Averti par ce cri, le papillon s'envole. Hein, quoi, qu'est-ce? Une poule, il est loin déjà dans la prairie. Le merle, c'est Chantecler qui fait de la chevalerie. Le pigeon, Chantecler, une poule sur le mur, il vient. Une autre poule, il est tout prêt. Oh, tu vas voir, dit la poule beige. C'est un beau coq. Le merle, d'ailleurs, c'est très facile à faire, un coq. Le dindon, ce merle est d'une force. Le merle, vous prenez un melon de honfleur pour le torse. Pour les deux jambes, deux asperges d'Argenteuil. Pour la tête, un piment de Bayonne. Pour l'œil, une groseille de Bar-le-Duc. Pour la queue, un poireau de Rouen tordant sa gerbe bleue. Pour l'oreille au soisson, un petit haricot, ça y est, c'est un coq, le pigeon, moins le cocorico. Le merle, oui, mais sauf ce détail, tu vois que ça ressemble. Le pigeon, pas du tout. Moi, je vois sous un cimier qui tremble venir le chevalier superbe de l'été, qui, pour se draper d'or, semble avoir emprunté à quelque char du soir où la moisson vacille, sa cape qu'il retrousse avec une faucille. Chantecler. Oh. Le merle, quand il fait ce bruit dans sa gorge en marchant, c'est qu'il aime une poule. Ou qu'il médite un chant. Chantecler. Flambe. Illumine. Le merle, il dit des mots sans suite. Chantecler. Embrase. Une poule. Il s'arrête une patte en l'air. Oh. Le merle, c'est l'extase. Chantecler, ton or est le seul or qui soit de bon conseil. Je t'adore. Le pigeon, à qui donc parle-t-il? Le merle, au soleil. Chantecler, toi qui sèches les pleurs des moindres graminées, qui fais d'une fleur morte un vivant papillon, lorsqu'on voit ses feuillants comme des destinées trembler au vent des Pyrénées les amandiers du Roussillon, je t'adore, soleil. Oh, toi dont la lumière pour bénir chaque front et mûrir chaque miel, entrant dans chaque fleur et dans chaque chaumière, se divise et demeure entière ainsi que l'amour maternel, je te chante et tu peux m'accepter pour ton prêtre. Toi qui viens dans la cuve où trempe un savon bleu et qui choisit souvent, quand tu vas disparaître, l'humble vitre d'une fenêtre pour lancer ton dernier adieu. Tu fais tourner les tournesols du presbytère, luire le frère d'or que j'ai sur le clocher, et quand par les tilleuls tu viens avec mystère, tu fais bouger des ronds par terre si beaux qu'on n'ose plus marcher. Tu changes en émail le vernis de la cruche, tu fais en étendard en séchant un torchon. La meule a, grâce à toi, de l'or sur sa capuche, et sa petite sœur, la ruche, a de l'or sur son capuchon. Gloire à toi sur les prés, gloire à toi dans les vignes, sois béni parmi l'herbe et contre les portails, dans les yeux des lézards et sur l'aile des cygnes, ô toi qui fais les grandes lignes et qui fais les petits détails. C'est toi qui, découpant la sœur jumelle et sombre, qui se couche et s'allonge au pied de ce qui lui, de tout ce qui nous charme, a su doubler le nombre, à chaque objet donnant une ombre, souvent plus charmante que lui. Je t'adore, soleil, tu mets dans l'air des roses, des flammes dans la source, un dieu dans le buisson, tu prends un arbre obscur et tu l'apothéoses. Ô soleil, toi sans qui les choses ne seraient que ce qu'elles sont. Le pigeon. Bravo! J'en parlerai longtemps à ma pigeonne. Chante Claire, jeune inconnu bleuâtre et dont le bec bourgeonne. Merci. Vous me mettrez à ses pieds de corail. Le merle, il faut soigner ses admirateurs. Chante Claire, au travail, tous, gaiement. Mouche active et sonore, je t'aime. Regardez-la. Son vol n'est qu'un don d'elle-même. Le dindon supérieur. Oui, mais dans mon estime, elle a beaucoup perdu depuis l'histoire de Chanteclair, de le dindon, de la mouche du Chanteclair. Mais cette histoire-là m'a toujours paru louche. Et qui sait si le coche eût monté sans la mouche? Tu crois qu'il valut moins qu'un U ou qu'un dia, le psaume de soleil qu'elle psalmodia? Tu crois à la vertu d'un juron qu'on décoche et que c'est le cocher qui fit monter le coche? Non, non. Elle a plus fait que le gros fouet claqueur, la petite musique où bourdonnait un cœur. Oui, mais de nos travaux tous faisons-nous des joies. C'est l'heure de conduire au bord de l'eau vos oies, messieurs les jars. Un jar nonchalant vraiment, vous croyez? Chante Claire. Donc, les jars, trêve aux cacardements oisifs et pataugeards. Toi, vieux poulet, tu sais qu'il faut que tu ramasses avant ce soir au moins tes 32 limaces. Toi, futur coq, va t'en chanter cocorico 400 fois devant l'écho. Devant l'écho, c'est ainsi que j'appris à m'assouplir la glotte quand ma coquille encore me servait de culotte. Une poule, tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Chanteclair, tout en a. Veuillez aller couver les œufs qu'on vous donna. Toi, va sous la verveine et sous la potentille gober tout ce qui ronge. Ah ah! Si la chenille croit qu'on va de nos fleurs lui faire des cadeaux, elle peut se brosser le ventre avec son dos. Toi, va sauver les choux quand de vieux coins incultes la sauterelle assiège avec ses catapultes. Vous, on aperçoit la vieille poule dont la tête vient de soulever le couvercle du panier. Tiens, bonjour nounou. J'ai grandi, la vieille poule. Tôt ou tard, il faut que la grenouille émerge du tétard. Chante Claire, oui. Oui, vous, alignez-vous à ces poules. Vous irez d'un pas preste picorer dans les prés. La poule blanche à la poule grise. Viens-tu? La poule grise, tais-toi. Je reste, moi, pour voir le coucou. La petite Houdan, vous avez l'air de vous aligner en boudin. La poule de Houdan, coq. Chanteclair, quoi? Moi que vous préférez. Chut, ça m'irrite de ne pas savoir. La poule blanche, coq, quoi? Moi, la favorite. Chut, je voudrais savoir. La poule noire, coq, quoi? Votre penchant pour moi, chut, dis-le-moi, le secret de ton chant. Je crois que vous devez avoir dans la trachée une petite chose en cuivre. Chanteclair, oui, bien cachée. La poule blanche, vous devez, comme on dit que font les grands ténors, avaler des œufs frais. Chanteclair, fichtre, Hugolin alors. La poule noire. Peut-être que, vidant leurs coques en spirale, tu mets les escargots en pâte. Chanteclair pectoral, oui. Toutes les trois coques, allez. Deux mots. Quand vos crêtes de sang, apparaissant, disparaissant, reparaissant, auront là-bas, parmi la sauge et la bourrache, l'air de coquelicots jouant à cache-cache. Ne faites pas de mal aux vrais coquelicots. Les bergères comptant les mailles d'un tricot marchent sur l'herbe, sans savoir qu'il est infâme d'écraser une fleur, même avec une femme. Vous, mes poules, soyez pleines de soins touchants pour ces fleurs dont le crime est de pousser aux champs. La carotte sauvage a le droit d'être belle. Si sur la plateforme exquise d'une ombelle marche un insecte rouge et pointillé de noir, cueillez le promeneur, mais non le promenoir. Les fleurs d'un même champ sont des sœurs, il me semble, qui doivent sous la faux tomber toutes ensemble. Allez, et vous savez, quand les poules vont au... Une poule chant, chante vers la première, toutes les poules, va devant. Allez, deux mots. Jamais en traversant la route, on ne picore. Vous pouvez traverser une trompe d'auto. Coin, coin, coin, coin. Chante-clair, pas encore. Coin, coin, coin. Attendez. Coin, coin, coin. À présent, la poule grise. On n'a pas pu me voir. La poule de Houdan, comme c'est amusant. Tout ce qu'on va manger va sentir le pétrole. Chante-clair, non, je n'appuierai pas sur une âme frivole. Ce secret dont la gloire est plus lourde qu'un roc. Moi-même, oublions-le. Soyons gais d'être coq. Je suis beau, je suis fier, je marche, je m'arrête. J'esquisse une gambade ou de brusques écarts. Et parfois, il advient que par quelque amourette, je scandalise la charrette qui lève au ciel ses deux brancards. À demain, les soucis, mâchonnons un brin d'orge. Soyons gais. Ce que j'ai sur la tête et sous l'œil est plus rouge lorsqu'en marchant je me rengorge que le foulard d'un rouge-gorge ou que le gilet d'un bouvreuil. Il fait beau, tout va bien, je fanfare et je fringue. Ayant fait mon devoir, je peux prendre cet air que mon ami le maire l'appelle à la mélingue. Et mousquetaire et camerlingue, je peux... Prends garde, Chanteclair. Quel est donc l'animal qui m'a crié « Prends garde » Moi, moi. Ah, c'est toi, Patou. Bonne tête à garde qui sort de l'ombre avec des pailles dans les yeux. Oui, pour voir dans les tiens des poutres. Oh, furieux. Oh. Quand il roule l'air, il est très en colère. C'est par amour pour toi que je la roule l'air. Gardien de la maison, du jardin et du champ, ce que je dois surtout protéger, c'est ton champ. Et je grogne au danger, c'est mon humeur. Chanteclair de dog, Patou, tu fais des mots, ça va très mal. Le psychologue que je suis sent le mal s'accroître. Et j'ai le flair d'un ratier. Tu n'es pas un ratier, Chanteclair. Qu'en savons-nous, Chanteclair? C'est vrai que ta race est étrange. Au fait, qu'es-tu? Je suis un horrible mélange. Je suis le chien total, fils de tous les passants. J'entends japper en moi la voix de tous les sangs, griffons, mastifs, briquets d'Artois ou de Saint-Onge. Mon âme est une meute assise en rond. Qui songe? Coq, je suis tous les chiens. Je les ai tous aidés, Chanteclair. Cela doit faire une somme énorme de bonté. Vois-tu, nous sommes faits pour nous entendre, frère. Tu chantes le soleil et tu grattes la terre. Moi, quand je veux m'offrir un instant sans pareil, tu te couches par terre et tu dors au soleil. Oui, cette double amour nous fut toujours commune. J'aime tant le soleil que je hurle à la lune. Et j'adore à ce point le sol que tout le temps je fais des trous pour y fourrer mon nez dedans. Oui. Cela désole assez la jardinière. Mais quel danger vois-tu? Tout est calme et lumière. Mon règne humble et doré n'a pas l'air menacé. La vieille poule, l'œuf a l'air d'être en marbre avant d'être cassé. Chanteclair, quel danger? Patou, ils sont deux. D'abord dans cette cage. Eh bien, ce sifflotis, que fait-il? Il saccage. Quoi? Tout? Ah, diable! Et oh! Et puis ce cri, et oh! Plus faux à lui tout seul que tout un orphéon. Que t'ont fait ce siffleur et ce preneur de pause? Ils m'ont fait que je sais qu'ils te feront des choses. Ils m'ont fait que chez nous, bons et purs animaux, le paon fait de l'esbrouf et le merle des mots. que l'un avec les goûts grotesques et postiches qu'il prit en paradant sur des perrons trop riches, l'autre avec le jargon nonchalamment voyou qu'il dut prendre en l'entraîner je ne sais où, l'un commis voyageur du rire qui corrode, et l'autre ambassadeur stupide de la mode, chargé d'éteindre ici l'amour et le travail, l'un à coups de sifflet, l'autre à coups d'éventail, ils nous ont apporté dans la lumière blonde ces deux fléaux qui sont les plus tristes du monde. Le mot qui veut toujours être le mot d'esprit, le cri qui veut toujours être le dernier cri. Toi qui suis préféré le vrai grain à la perle, comment te laisses-tu prendre à ce vilain merle? Un oiseau qui travaille un air, chante clair indulgent, il siffle un air, pas tout, oui, mais pas jusqu'à la fin. Il est léger, oui, mais sur notre âme il pèse, un oiseau qui consent à faire du trapèze. Et puis voyons, il est intelligent, oui, mais pas très, car son œil n'est jamais ébloui. Il a devant la fleur dont il voit trop la tige, le regard qui restreint et le mot qui mitige. Mon cher, il a du goût, oui, mais pas beaucoup. Être noir, c'est avoir à coup trop sûr du goût. Il faut savoir risquer des couleurs sur son aile. Enfin, sa fantaisie est assez personnelle. Il est très drôle. Non. Drôle ? Parce qu'il prit quelques locutions qui remplacent l'esprit, et qu'il croit inaugurer des syntaxes alertes, et qu'il dit « on est des » pour « je suis un » Non, certes. Alors, il a de l'imprévu, facile, mais grossier. Je ne crois pas qu'il soit extrêmement sorcier de dire, lorsqu'on voit une vache qui broute, la vache la connaît dans les foins. Et je doute que d'un particulier génie on ait besoin pour répondre au canard « ça t'embouche un coin-coin ». La blague de ce merle à qui je suis hostile n'est pas plus de l'esprit que son argot du style. Oh, n'est pas tout à fait responsable. Il subit son costume moderne. Ah, il est en habit. Il a l'air dans son frac d'une coupe gentille, du petit croque-mort de la foi qui sautille. Là, tu le fais plus noir qu'il n'est. J'ai remarqué que le merle siffleur n'est qu'un corbeau manqué. Oui, mais sa petitesse, ah, méfions-nous d'elle. Le mâle, pour commencer, crée un petit modèle. Ne prends pas des essais pour des diminutifs. L'âme d'écoute-là rêve dans les canifs. Le merle et le corbeau sont faits du même crêpe. Et jaune et noir, le tigre est déjà dans la guêpe. Bref, le merle est méchant, il est bête, il est laid. Il est surtout qu'on ne sait pas ce qu'il est. Pense-t-il un instant? Sent-il une minute? Tututu. Mais à quel mal fait-il? Il tututute. Et rien n'est plus fatal pour qui pense et qui sent que ce vil tututu, complexe et réticent. Oui, chaque jour, voilà pourquoi je roule l'air. J'entends baisser les cœurs et le vocabulaire. Oh, c'est à devenir enragé. Mais pas tout. Selon leurs mots ignobles, on rigole de tout. Et moi qui ne suis pas cependant un King Charles, quand je dis quelque chose, on me répond, tu parles. Oh, fuir. Suivre un berger qui n'a rien dans son sac. Mais du moins, quand la nuit, on lappe l'eau du lac. Avoir ce qui vaut mieux que tous les os à moelle. La fraîche illusion de boire les étoiles. Pourquoi parles-tu bas? Oui, maintenant tu vois, quand on parle d'étoiles, il faut baisser la voix. Voyons, mais c'est trop bête et c'est trop lâche en somme, je crierai si je veux, étoile! Nom d'un homme. Que m'importe, je chante et j'ai pour moi les poules. Méfions-nous du cœur des poules et des foules. Tu cueilles trop le prix de tes cocoricots sur des becs. Chante clair, mais l'amour, c'est la gloire en béco. Pas tout. Moi, je fus jeune aussi. J'eus ma beauté du diable, un œil incendiaire, un cœur incendiable. Eh bien, je fus trompé. Par un autre plus beau? Non. Elles m'ont trompé pour un sale cabot. Trompé pour qui? Pour qui? Le sais-tu? Tu m'effraies pour un basset. Qui se marchait sur les oreilles. Le merle, comment il crie encore à propos du basset? Eh bien quoi, tu le fus? L'être, qu'est-ce que c'est? On l'est tous. C'est la négligeable contingence. Et moi-même, malgré ma vive intelligence, tout en noir, mais trahi par mon bec jaune d'œuf, je ne suis qu'un cocu qui veut passer pour veuf. Cette plaisanterie est au moins singulière. Il est certain sujet, pourtant, le maire, la muselière. Pas tout. Mais toi qui te permets là-haut de tout railler, qu'es-tu donc, le maire? Je suis le titi du poulailler. Pas tout, et tu lui porteras malheur. Le merle, tu vaticines, je descends. On se tord, n'est-ce pas, les glycines? Pas tout. Ah! Chut, c'est un ami, oui, qui t'arrange en dessous. Chante-Claire au merle, on apprend du joli quand on parle de vous. La vieille poule, qui touche un bois pourri, voit sortir les cloportes. Pas tout, il fait des mots sur toi. Le merle, ah, bon chien, tu rapportes. Pas tout, il dit, lorsque ton cœur s'épuise en cris ardents, que c'est pour nous scier que ta crête a des dents. Tu dis ça, ben que veux-tu, ça ne peut pas te nuire. Et les mots que l'on fait sur toi font toujours rire. Enfin, admirez-vous, raillez-vous le coq. Je le blague en détail, mais je l'admire en bloc. Tu picores toujours deux grains, j'ai deux sous-coupes. Moi, je suis plus tranchant, tiens parbleu, toi tu coupes. Tu n'es qu'un vieux barbet de 48. Moi, je suis dame, un oiseau très averti. De quoi, file ou ton croupion de noir deviendra rose. Maintenant, il est averti de quelque chose. Calme-toi. C'est un air qu'il prend. La vérité, c'est que s'il était mis devant de la beauté, ce maire l'applaudirait. Pas des deux ailes, certes. Qu'attendre d'un oiseau dont la cage est ouverte, qui voit le chèvrefeuille et le Saint-Père Virens, et rentre pour manger un vieux biscuit de Reims. Il n'a pas l'air de s'en douter une minute, mais le pâle braconnier n'est qu'une sombre brute. Je sais que les sous-bois sont pleins d'un or léger. Oui, mais en un plomb vil, cet or peut se changer. La grive est un oiseau si grivois qu'il s'esbigne, de peur d'être rôti dans des feuilles de vigne. Alors, faute de grive, il serait fâcheux que je fusse fauché par un vieux le faucheux. Le grand cerf trouve-t-il sa forêt moins superbe, parce que son sabot rencontre un soir dans l'herbe un débris de cartouche en train de se rouiller? Non, mon vieux, mais le cerf n'est qu'un grand andouillé. Oh, mais la liberté sous l'œil des violettes, l'amour, tout ça, c'est des vieilles escarpolettes qui ne valent pas mon trapèze en bois neuf. Oh, ma cage, signons le joyeux 369. On est des ducs, on a de l'eau filtrée à boire, et tu peux m'envoyer au bain, j'ai ma baignoire. Ah, pourquoi donc toujours descendre à des argots? C'est pour vous voir un peu grimper sur vos ergots. Rrrr, de cette présence, il est urgent qu'on purge. Le merle, on ne dit pas il est urgent, on dit il urge. Qu'est-ce que tous ces mots? Mais c'est des mots très bien. J'ai connu dans le temps un moineau parisien. On parle comme ça, rue Aubert ou Saint-Georges. Chante-Clair. Moi, j'ai beaucoup connu le petit rouge-gorge qui fut pendant longtemps l'ami de Michelet. Ce n'était pas du tout comme ça qu'il parlait. Que veux-tu, j'ai l'esprit que mon siècle m'insuffle, et tout bec un peu chic se doit d'être un peu mufle. Les voilà, leurs deux mots, j'écume. Ce loustic apporta le mot mufle, et le pan, le mot chic. Oh, le pan, oui, le pan. Les vois-tu, les écumes, le pan, qu'est-ce qu'il fait de l'œil avec ses plumes? Son dandysme a troublé d'humble cœur plébéien. À quoi vois-tu son influence? À mille rien, la vieille poule. La bulle de savon qui descend les rivières nous apprend qu'il y a plus haut des lavandières. Chante-Claire, je n'ai pas encore vu la moindre bulle qui... Pas tout. Tiens, vois ce cochon d'Inde. Chante-Claire le regardant. Il est jaune, le cochon d'Inde. Kaki. Chante-Claire, ka... Pas tout, une bulle. Et ce canard qui déambule. Chante-Claire, il va prendre son bain. Le canard, mon tub. Son... Une bulle. Coucou, la poule grise. Lui, par la porte à Ramina Grobis, enfin je vais le voir. Coucou. Hélas, c'est trop tard. Bis. Hein? Il ne sonne plus. Le merle, c'était une demi. Chante-Claire, vous n'êtes pas au champ? La poule grise, Dieu, que fait-on, mamie? Là, dans cette chatière. Oh. J'allongeais le cou pour voir qui. Oh, qui? Oh, avouez. Le coucou. Vous l'aimez? Pourquoi donc? Il est suisse. Une bulle. La poule grise. C'est un penseur. Il sort, Jean-Claire. Elle aime une pendule. La poule grise, il sort toujours à la même heure. Comme Kant. Comme quoi? Comme Kant. Ça, c'est estomacant. Allez-vous-en! Le maire, fichez le Kant! Jean-Claire, quelle tocade! Où donc a-t-elle appris que Kant? Pas tout, chez la pintade. Jean-Claire, cette vieille pintade aux cris hurluberlus qui se plâtre le bec, pas tout, appris un jour. Jean-Claire, de plus! Pas tout, non, de réception. Où reçoit-elle? Le maire le met dans un coin du potager. Pas tout, sous la tutelle de cet homme de paille au vieux gibus infect. L'épouvantail? Le maire, oui, grâce à lui, c'est plus sélect. Comment? Oui, tu comprends, il maintient à distance tous les petits oiseaux dénués d'importance. Les parents pauvres, ça fait mal dans un salon. Chanteclair, le jour de la pintade. Pas tout. Une bulle, Chanteclair, un ballon. Le maire, le lundi, Chanteclair, et que fait-on chez cette folle? Pas tout, on glousse. Le dindonneau se lance, et le poussin se pousse. Le maire, de 5 à 6. Chanteclair, le soir? Pas tout, non, le matin. Comment? Tu comprends? Il fallait profiter d'un moment où le jardin est vide, et que ce fut quand même un 5 o'clock. Alors on a pris l'heure blême où le vieux jardinier va chez le mastroquet, et pour tuer un ver, étouffe un perroquet. C'est fou. Totalement. Toi, tu n'as rien à dire, tu y vas. Il y va? J'y vais. On m'y admire. Et je crains, que dis-tu dans ton faux col de clous, que quelques poules un jour t'y fassent aller. Moi, vous, moi, par le bout du bec, moi, quand passe une poule nouvelle, c'est plus fort que toi. Tu perds la boule, tu te mets à tourner. Oui, ah, c'est moi, me voilà, tu fais quoi? Est-il bête cet oiseau-là? Ton aile pend, ton pied dessine une chaconne. Oh, je n'aime pas ça, le grand Jules braconne. Chien, ça t'excite? Pas tout, oui, ça me... Non. Tu t'attendris? C'est affreux. Peut-être une pauvre perdrix. Le merle narquois. Tiens, là, j'ai mis de l'eau, pas tout dans mes yeux. Le merle rhumatisme. Tu donnes des accès d'animalitarisme. Pas tout, non, mais j'ai plusieurs chiens en moi. Je lutte un peu. Ma truffe d'épagneul se dresse au coup de feu. Mais alors, avec ma mémoire de caniche, j'évoque une aile en sang, un œil mourant de biche, ce que met un lapin dans son dernier regard. Et je sens s'éveiller mon cœur de Saint-Bernard. Encore ! Arrive un faisan doré. Cachez-moi, ciel, un faisan doré. N'est-ce pas le grand Chanteclair ? Le merle, faut-il qu'on le connaisse ? Sauvez-moi si c'est vous. Chanteclair, c'est moi, fiez-vous-en. Oh mon Dieu, il s'évanouit. Mais c'est très nerveux, un coq faisant. Je n'en peux plus, j'ai trop couru. Qu'il est beau quand son col tombe et se développe. De l'eau, c'est qu'on a peur de l'abîmer. De l'eau, on me poursuit. Cachez-moi. Le merle, c'est du mélo. Comment diable a-t-on pu vous manquer par surprise? Le chasseur n'attendait qu'une alouette grise. En me voyant partir, il a dit, sacre bleu. Il n'a vu que de l'or, je n'ai vu que du feu. Mais le chien me poursuit, un affreux chien. Il se retourna vers de chasse. Cachez-moi. C'est qu'il est voyant, ça m'embarrasse. Où le cacher, monsieur, seigneur, noble étranger? Où cacher l'arc-en-ciel s'il était en danger? Pas tout, là, près du petit banc qui supporte deux ruches, j'habite un chalet vert qu'on cale avec des bûches. Entrez, le faisan doré entre, mais sa longue queue sort de la niche de Patou. Ses manteaux d'or sont vraiment trop cossus. Un bout dépasse encore. Là, je m'assois dessus. Arrive Briffaut, le chien de chasse. Bonjour. Bonne odeur. Patou, soupe à la paysanne. Briffaut, dis donc, tu n'as pas vu passer une faisane? Patou, une faisane? Chanteclair est-il féroce, ce Briffaut, avec son air de vieil anglais très comme il faut? Patou, non, mais j'ai vu passer un faisan. Briffaut, c'était elle. Patou, la faisane a toujours une robe Isabelle. C'était un faisan d'or. Il a pris par le pré. C'est elle. Une faisane à plumage doré? Ah, vous ne savez pas ce qui parfois se passe. Le merle, il va raconter une histoire de chasse. Briffaut, il arrive parfois, c'est exceptionnel. Mon maître dit qu'il a lu ça dans tous Snell. Il advient, c'est un fait très extraordinaire, que l'on remarque aussi chez les coqs de bruyère. Il advient... Quoi? Que la faisane... Oh, mes amis! Mais quoi donc? trouve un jour le faisan trop bien mis. Quand le mâle, au printemps, met ses habits de fête, elle voit qu'il est plus beau qu'elle. Ça l'embête. Elle cesse de pondre et de couver. Alors la nature lui rend les pourpres et les ors. Et la faisane, libre et superbe amazone, fuit, préférant avoir du bleu, du vert, du jaune et toutes les couleurs du prisme sur son dos, que sous une aile grise, avoir des faisans d'eau. Bam, elle s'affranchit des vertus de son sexe. Elle vit. Qu'en sais-tu, toi, d'abord ? Quoi ? Ça le vexe ? Déjà, bref, ce faisan que ton patron rata, c'était une faisane. Oh, mais c'est mon rata. Et il sent très bon. Je n'aime pas quand il renifle. Figurez-vous qu'un jour, encore une. On te siffle. Diable, bonsoir, bonsoir. Enfin, parti. Briffaut, que fais-tu ? Je veux te dire un mot. Un mot ? Oui, prends garde, Briffaut. Chanteclair, de nos peurs, tu te joues, car tu vas perdre quelque chose. Briffaut, quoi ? Le merle, tes joues. Et il s'en va. Il est loin, très loin. Sortez, madame. Eh bien, révolté, affranchi, oui, comme a dit ce chien. Mais de très grande race, et fière autant que franche. Et faisane des bois. Le merle fichtre, elle a de la branche. La faisane, j'habite la forêt où braconne, chante Claire. Ce fou qui voulait en chasser du plomb dans un bijou. La faisane, sous le feuillage épais que le soleil transperce, je vis. Mais c'est d'ailleurs que je viens. D'où ? De Perse ? De Chine ? On ne sait pas. Mais on peut être sûr que j'étais faite pour chatoyer dans l'azur, parmi les tuyas verts gonflés de sang d'arac, et non pour fuir sous les ronciers, devant un braque. Suis-je l'ancien phénix ou la poule kinki ? D'où fus-je rapporté et comment et par qui ? La fable tergiverse et m'offre un choix splendide. C'est pourquoi je choisis d'être né en Colchide, d'où j'ai dû revenir sur le point de Jason. Je suis en or. C'est moi peut-être la toison. Qui, vous ? Moi, le faisan ? La faisane ? Ma race ? Car je la représente ayant pris la cuirasse de pourpre. Oui, ce destin que longtemps je subis d'être une feuille morte à côté d'un rubis, m'ayant un jour semblé décidément trop pâle, j'ai volé son plumage éblouissant au mâle. Et j'ai bien fait, car je le porte mieux que lui. La palatine d'or sur moi se gonfle, et lui, j'ai donné plus de grâce à la verte épaulette, et d'un simple uniforme, et fait une toilette. Mais c'est qu'elle est étourdissante. Sapristi, il ne va pourtant pas aimer un travesti. Il faut absolument prévenir la pintade qu'il passe un oiseau d'or. Elle en sera malade, elle va l'inviter. Je m'en vais faire un tour. Chanteclair, vous venez d'Orient, alors, comme le jour. La faisane. Ma vie a le désordre amusant d'un poème. Si je vins d'Orient, ce fut par la bohème. Pas tout. Bohémienne. La faisane. Avez-vous remarqué ces deux tons ? Il n'y a que l'aurore et moi qui les portons. Princesse des sous-bois et reine des clairières, j'ai le jaune chignon qu'ont les aventurières. Nostalgique, j'ai pris pour palais palpitant les iris desséchés qui bordent les étangs. J'adore la forêt. Et lorsque septembrale, elle sent le bois mort, pas tout, c'est une cérébrale. Folle comme une branche un jour de sirocco, je m'agite, je vibre et je m'énerve. Go, go. Monsieur, j'aime mieux vous dire tout de suite que si c'est pour moi. Quoi ? L'œil. La courbe décrite, l'aile qui pend, le corps. Mais je... C'est très bien fait. Seulement, ça ne me fait pas le moindre effet. Madame, oh, je comprends. On est le coq qui lustre. Il n'est pas une poule au monde qui ne lustre ses plumes dans l'espoir, certes, des plus touchants, de pouvoir vous distraire un jour entre deux champs. On est si sûr de soi que jamais on hésite. Même quand la personne est chez vous en visite, et n'est pas tout à fait la poule en jupon court à laquelle on peut faire un doigt de basse-cour. Mais je ne m'éprends pas avec autant de hâte. Puis pour moi, comme coq, vous êtes trop en pâte. En pâte. Trop gâté. Le seul coq de mon goût serait un coq sans gloire, à qui je serais tout. Mais aimer un grand coq... Je ne suis pas si femme, mais Nous pouvons au moins nous promener, madame. Oui, comme deux amis. Deux amis. Deux poulets. Très vieux. Ah non, pas vieux. Très laid. Ah non, pas laid. Voulez-vous visiter la cour? Prenez mon aile. Voyons. Ça, c'est affreux. C'est l'abreuvoir modèle, l'abreuvoir siphoïde en fer galvanisé. Mais tout le reste est beau, noble, charmant, usé. Le toit du poulailler, la porte de l'étable, le merle rentrant. La pintade est dans un état épouvantable. La faisane, vous vivez là tranquille et sans rien craindre? Rien, car le propriétaire est un végétarien. C'est un homme étonnant. Il adore les bêtes. Il leur donne des noms qu'il prend dans les poètes. Ça, c'est l'âne Midas. Ça, la génisse Io. Le merle, c'est ce que nous appelons le tour du proprio. Et ça, l'oiseau d'esprit, que fait-il? Il s'occupe. À quoi donc? À ne pas avoir l'air d'être dupe. C'est un très gros travail. La faisane peut-être, mais bien laid. Le merle va donc romantique. Elle l'a le gilet. Chanteclair continuant le tour des choses. La meule, le vieux mur. Le mur, lorsque je chante en bave des lézards. La meule est plus penchante. Je chante à cette place où j'ai gratté le sol. Et lorsque j'ai chanté, je bois dans ce vieux bol. Mais votre chant a donc une importance? Grande. Pourquoi? C'est mon secret. Si je vous le demande. Mes amis, les fagots, volez dans ma forêt. C'est donc vrai ce qu'on dit? Vous avez un secret? Oui, madame. Je sens que l'insistance est vaine. Et d'ici, vous verrez le reste du domaine. Jusque au potager où l'on traîne le soir un serpent qui finit en pomme d'arrosoir. Comment, c'est tout? C'est tout. Alors tu t'imagines que le monde a pour borne un carré d'aubergine? Non. Tu ne rêves pas des horizons plus grands quand passe un vol triangulaire des migrants? Non. Mais tous ces objets sont pauvres et moroses. Moi, je n'en reviens pas du luxe de ces choses. Tout est toujours pareil, pourtant. Rien n'est pareil, jamais, sous le soleil. À cause du soleil. Car elle change tout. Elle qui? La lumière. Mais ce géranium planté par la fermière n'a pas deux fois le même rouge. Et ce sabot, ce vieux sabot crachant de la paille, est-ce beau? Et le peigne de bois pendu parmi les blouses qui garde entre ses dents les cheveux des pelouses. La vieille fourche en pénitence dans un coin, mais qui, dormant debout, fait des rêves de foin. Les quilles au corset sanglé, ces belles filles dont Patou, mal reçu, dérange les quadrilles. L'énorme boule en bois vermoulu admis, sur laquelle toujours voyage une fourmi, qui fait avec l'orgueil des parcoureurs de monde son petit tour de boule en 80 secondes. Aucun de ces objets n'est pareil deux instants. Et quant à moi, madame, il y a bien longtemps qu'un râteau dans un coin, une fleur dans un vase, m'ont fait tomber dans une inguérissable extase, et que j'ai contracté devant un liseron cet émerveillement dont mon œil reste rond. On sent que vous avez une âme. Mais une âme se forme donc loin de la vie et de son drame, dans une cour de ferme, où sommeille un matou, Chanteclair, quand on sait regarder et souffrir. On sait tout. Dans une mort d'insectes, on voit tous les désastres. Un rond d'azur suffit pour voir passer les astres. La vieille poule, ce qui connaît le mieux le ciel, c'est l'eau du puits. Chanteclair présentant, eux ma nourrice. Ah, vraiment? La vieille poule, c'est un beau coq. La faisane, et puis c'est un coq pour lequel il existe autre chose. Chanteclair au chien, mon cher, c'est une poule avec laquelle on cause. Crie au dehors, ah, ah! Nous allons avoir de la pintade. Oh Dieu, qu'elle est belle! On a cours pour vous connaître un peu. Oh, qu'elle marche bien! Chanteclair, mieux que mes poules. Poules, vous marchez comme si vous aviez des ampoules. Vous marchez comme si vous marchiez sur vos œufs. Pas tout, allons, décidément, il est très amoureux. La pintade, le pintado, mon fils. Le pintado, elle est d'un blond, une poule de beurre. Chanteclair, rentrez! La faisane déjà, et elle se couche de bonne heure. Une poule, oui, nous rentrons chez nous. Tiens, par un escalier? Ma chère, n'est-ce pas, nous allons nous lier. Sa toilette de cour la rehausse et l'isole. Mes poules n'ont plus l'air que d'être en camisole. Je regagne ce soir mes abris forestiers. Vraiment? Pop, on chasse encore, il faut que vous restiez. C'est ça, jusqu'à demain, gardons la prisonnière. Mais où passer la nuit, là? Dans ma garçonnière. Moi, dormir sous un toit, entrer. Mais vous, alors, oh, pas tout. C'est un nom fait pour coucher dehors. Rentrons, restons jusqu'à demain. Dieu, mais demain, ma chère. Demain, quoi donc? Demain, c'est le jour de ma mère. Ne voudriez-vous pas, tout à fait sans façon, venir prendre chez nous un petit limaçon? Le pan plus bas. Le soir a soufflé sa fumée. Chacun a-t-il repris sa place accoutumée? Le pan viendra. Nous nous tiendrons dans les cassis. Les dindons sont-ils sur leur juque? De 5 à 6. Les canards sont-ils tous dans leur maison pointue? Je crois que nous aurons peut-être la tortue. Ah, vraiment? Tout le monde est-il bien à l'abri? Mais à chaque échelon, vous poussez donc un cri? Oui, monsieur. Car il faut, les poussins sous une aile, faire tout ce qu'on peut sur la plus humble échelle. La Houdan m'a promis le coq. Nous serions fous. Mais tu viendras? Non. Si, pourquoi? Parce que vous avez dit non à l'autre. Ah! Je t'en supplie, il plie, on le fera chanter s'il plie, la vieille poule. C'est avec les roseaux qu'on fait des mirlitons. Sainte-Claire, une voix, dormons, le dindon, quandoque dormitat, le merle dans sa cage, dormiton. Sainte-Claire, je n'irai pas, bonsoir, la faisane, bonsoir. Patou, faisons un somme jusqu'à ce que le ciel soit rose comme un ventre de petit chien. La pintade 5 à 6. Le merle, tu. Chanteclair, tout dort. Un poussin qui découche. Veux-tu? Faisane. Quoi? Rien. Rien. La faisane, vais-je dormir? Pas tout un ventre. Faisane sous un toit. J'ai des goûts plus bohémis. Chanteclair, je rentre. C'est l'heure de fermer mes... La faisane bohémien, la voix de Chanteclair, mes yeux, le chat, d'ouvrir les miens. Une autre voix, les miens. La basse-cour endormie, le chat réveillé sur le mur, 3 chats huants, puis la taupe et la voix du coucou. Le chat huant, 2 yeux verts, le chat, 6 yeux d'or, sur le mur, sur la grange, hibou, matou, chat, huant, miaulant, cantange. Grand complot contre lui, ce soir, oui. Où? Dans les où, quelle heure? Vite. Chauves-souris avec lesquelles la nuit jongle, elles sont pour nous, oui. Taupe dont j'entends l'ongle, elle est pour nous, oui. Toi, sonne bien les 8 coups, coucou de la petite horloge, il est pour nous, oui. Et même il y a, noir veilleur taciturne, quelques oiseaux de jour qui sont pour les nocturnes. Le dindon s'avançant au milieu d'un groupe furtif. C'est ce soir, chers yeux ronds. Vous irez? Les chats blancs, nous irons. Premier chat huant, il y aura tous les yeux ronds des environs. Le maire, je voudrais bien voir ça. Patou, en dormant. Ah! Le chien rêve. Il gronde. Chanteclair. Oh! Lui! Fuyez! Non! L'ombre est profonde et nous disparaîtrons rien qu'en fermant les yeux. Chanteclair, tu n'as rien entendu, merle noir? Si, mon vieux, un sombre complot, ah, contre toi, frissonne, blagueur. Il est rentré, le merle, je n'ai trahi personne. Ce merle est donc pour nous? Non, mais puis-je aller voir? Le chat huant, jamais l'oiseau de nuit ne mange un oiseau noir. Tu peux venir, le mot de passe, ombre et rapace. La faisane, j'étouffe sous le toit de cette maison basse et, apercevant les nocturnes, oh, le chat huant, chut, rien, partons. Bonne chance, hibou. Merci. Mais pourquoi donc êtes-vous tous pour nous? Le chat, la nuit, fait sortir ce qu'on cache à soi-même. Je n'aime pas le coq parce que le chien l'aime. Je n'aime pas le coq, moi, dindon propre et roc, que l'ayant vu poussin, je ne l'admets pas coq. Un canard, moi, canard, parce que comme il n'a pas de toile entre les doigts, il trace en marchant des étoiles. Un poulet, je n'aime pas le coq parce que je suis laid. Un autre, je n'aime pas le coq parce qu'en violet, Il a son portrait peint sur toutes les assiettes. Un autre coq. Je n'aime pas le coq parce qu'aux girouettes, il a sur tous les toits une statue en toc. Eh bien, et toi, chapon ? Je n'aime pas le coq. Coucou. L'heure, coucou. Partons, coucou. La lune, coucou. Fendons l'air bleu, coucou. La terre brune. Tiens, la taupe, coucou. Toi, pourquoi le hais-tu ? La taupe, je le hais parce que je ne l'ai jamais vue. Coucou. Et toi, coucou, pourquoi t'en rends-tu compte ? Le coucou. Parce qu'il n'a jamais besoin qu'on le remonte. Coucou. Et nous n'aimons... Sortant lentement de la niche, je commence à l'aimer. Le deuxième acte, c'est la conspiration. Les nocturnes de toutes les dimensions et de toutes les espèces forment un grand cercle et s'étagent sur les pierres, les ronces, les branches. Le chat est accroupi sur l'herbe, le merle sautille sur un fagot. Le chat-huant faisant l'appel. Strix, deux yeux s'allument. Scops, deux yeux s'allument. Grand-duc, moyen, petit, un nocturne. Le grand préside. Chouette de l'if, du mur, du cloître, de l'abside, c'est l'appel nominal. Oui, je sais, il n'y a qu'à rouvrir l'œil quand on vous nomme. Surnia, hibou, nictal, brachiote, aucun œil ne s'allume. Brachiote, il vient, il est allé manger une linotte. Voilà, ils sont tous là quand il s'agit du coq. Tous, hulotte. Caparacoque, caparacoque, eh bien, voyons, j'habite loin, on se dépêche, je crois qu'ils sont tous là, chevêchette et chevêche. Le grand-duc solennellement, avant de commencer, poussons mes abats bruits, le cri qui nous met tous d'accord, tous, vive la nuit, le grand-duc, vive la nuit, souple et benoîte. Où nous volons d'une aile en ouate, où quand tout dort, grâce au mutisme de notre aile, la perdrix n'entend pas sur elle venir la mort. Vive la nuit, commode et molle, où l'on peut, lorsque l'on immole des lapros, ensanglanter la marjolaine, sans avoir à prendre la peine d'être un héros. Vive les ombres qui sont nostres, le silence où dans tous nos rostres craquent des os. La fraîcheur, où tiède tu gicles sur les vers de nos bésicles, sang des oiseaux. Vive le roc, d'où la peur suinte, le carrefour où lorsqu'on suinte, et huit, oh les miaules, strides et stridules, ont fait se signer l'incrédule. Vive la nuit tendeuse de toile. La grande nuit dont les étoiles sont le seul tort, car des regards sont inutiles lorsqu'en nos ongles rétractiles un col se tord. Vive la nuit où l'on se venge de la grâce de la mésange, car la beauté, quand l'ombre a repris l'avantage, reste à la nuit comme un otage épouvanté, car on choisit lorsqu'on trucide et l'on prend d'autant plus lucide qu'il fait plus noir le jet le plus bleu sur la branche. Et la colombe la plus blanche sur le perchoir. Vive l'heure où dans l'œuf qu'on casse, on boit l'avenir qu'une race crut immortelle. L'heure où nous chuchotons ensemble pour préparer tout ce qui semble accidentel. Vive l'ombre où la peur accrue nous fait régner, où quand on hue et qu'on huit, lorsqu'on ulule et qu'on ouloule, l'aigle même à la chair de poule. Vive la nuit! Et maintenant, laissons dans sa rousseur moirée parler le chat-huant. Chut. Charmante soirée. Nocturne. Le décor me semble bien choisi. Oui, le coin le plus noir, l'arbre le plus moisi. À droite, des vieux pots de jardin hors d'usage. À gauche, entre les houes, le paysage. Nocturne. Tiens, la taupe est là. Chut. Sous le thym, elle a pris pour venir le merle, son métropolitain. Le grand-duc, c'est le merle. Oui, mon duc. Et là, ces deux agates, c'est le chat. Je l'entends qui se lèche les pattes. Nocturne. Puisqu'ici, ce soir, c'est notre orgueil. Nous sommes entre gens ayant le mauvais œil. Ah, ah, chut. Moi, je n'ai que l'œil malin. J'assiste, mais sans prendre parti. Vous savez, en artiste, ne pas prendre parti, c'est le prendre pour nous. Et allez donc, c'est très simpliste, les hiboux. Exprimons-nous d'un bec franchement malévole. Le coq est un voleur, il nous vole. Quoi ? La santé, la joie. Ah, vous m'en direz tant. Et comment ? En chantant. Il nous donne en chantant. Des gonflements de fiel et des péricardites, car il annonce... Ah oui, la lumière, chut, ne dites pas ce mot. Quand on dit ce mot à l'horizon, la nuit sent sous son aile une démangeaison. La clarté, chut, pas ce mot de consonance ingrate, ce mot qui fait un bruit d'allumette qu'on gratte. Dites, le coq annonce un pli du sombre drap. Mais le jour, chut, pas ce mot. Dites ce qui viendra. Qu'importe qui l'annonce, que le drap se plisse, puisque ce qui viendra, viendra. C'est un supplice que d'entendre toujours, tout nuit, un chant cuivré vous rappeler ce qu'on sait être vrai. Il chante quand la nuit est encore bonne et fraîche. C'est un voleur, il nous empêche de profiter du bon morceau de nuit qui reste. Il fait quitter l'affût près des clapiers, les fêtes carnassières, les sabbats où l'on va sur le point des sorcières. Quand il chante, on n'est plus dans son état normal. On fait le mal en se pressant, on le fait mal. Quand il chante, on n'est plus que dans du provisoire, dans de la nuit qu'on sait qu'il deviendra moins noir. Quand son chant de métal a partagé la nuit, on se tord comme un ver dans la moitié d'un fruit. Pourtant, les autres coqs, leur chant n'est pas à craindre. C'est le sien qu'il faudrait éteindre, éteindre. Ce merle-là pour nous travailler, moi, oui, tu l'as raillé. Ah, ah, chut. Mais railler son chant n'agit pas le moins sur notre vésicule. Il est plus fort depuis qu'on le croit ridicule. Cocorico ! Quoi, qu'est-ce ? Grand-duc, moyen, petit. Vous partez, rien ne presse. L'aurore est loin, vous avez tout le temps. Non, dès qu'il a chanté, nos yeux sont clignotants. Surnia, venez-vous, Nictal, oh mon ami, il trébuche, je souffre. Aïe, aïe, c'est l'ophtalmie. Mais comment fait-il donc ce coq pernicieux pour avoir une voix qui vous fait mal aux yeux ? Strix, il s'appelle Scops. Leur vol tourne, frissonne, plonge, chouette du mur, de l'if, du... Plus personne. Mais c'est l'heure où l'on soupe, à nous, le grillon froid. J'ai couru, vous étiez là, je meurs d'effroi. Eh bien, vous avez dû apprendre leur mystère, vous, son ami. À nous, le cuisseau d'orthoptère. Moi, je guettais de loin, j'étais dans un fossé. Eh bien, quoi, le complot, ça s'est très bien passé. Puis arrive le coq. Debout, pour voir l'aurore. Ah, je suis, mon ami, très vertueuse. Très vertueuse, oui. Qu'avez-vous ? J'ai mal dormi. Ah, vous irez chez la pintade ? Je ne reste aujourd'hui que pour elle. Ah oui, je la déteste. Venez chez elle, non. Soit, disons-nous adieu. Non ? Alors venez, vous m'y verrez un peu. Non, vous ne viendrez pas, j'irai. Mais ça me fâche. Pourquoi ? C'est lâche. Oh non, ça, ça n'est pas très lâche. Ah, ce qui le serait, ce qui le serait, ce serait de me dire un peu votre secret. Le secret de mon chant ? Oui, faisane dorée. Mon secret, quelquefois quand je suis à l'oreille du bois, je vous entends dans les premiers rayons. Ah, mon chant est venu jusqu'à vos oreillons. Oui, mon secret, jamais. Vous n'êtes pas affable, non, je souffre. Le coq et la faisane, fable, chante clair. Un coq aimait une faisane, la faisane, et ne voulait rien lui dire. Chante clair, moralité, la faisane, c'était très laid. Chante clair, moralité... Ta robe a des frissons de soie. La faisane, moralité, je ne veux pas qu'on me tutoie. Va retrouver ta poule à l'humble caraco. Oh, je suis furieux, mais non, faites co. Chanteur, oh, non, mieux que ça. Co. Regardez-moi sans rire. Votre secret, quoi ? Vous brûlez de me le dire. Oui, je sens que je vais le dire et que j'ai tort. Et tout ça parce qu'elle a sur la tête de l'or. Seras-tu digne au moins d'avoir été choisi? Jusqu'au fond, ta poitrine est-elle cramoisie? Parle. Regarde-moi, faisane. Et s'il se peut, tâche de découvrir toi-même, peu à peu, cette vocation dont ma forme est le signe. Reconnais tout d'abord mon destin à ma ligne, et que, cambré comme une trompe, m'incurvant comme une espèce de corps de chasse vivant, je suis fait pour qu'en moi le son tourne et se creuse, autant que pour nager fut faite la macreuse. Attends. Constate encore qu'impatient et fier, et grattant le gazon de mes griffes, j'ai l'air de chercher dans le sol tout le temps quelque chose. Eh bien, mais vous cherchez des graines, je suppose? Non, ce n'est pas cela que jamais j'ai cherché. J'en trouve quelquefois par-dessus le marché, mais dédaigneusement je les donne à mes poules. Alors, griffant toujours la terre que tu foules, que cherches-tu? L'endroit où je vais me planter. Car toujours je me plante au moment de chanter. Observe-le. C'est juste, et puis tu t'ébouriffes. Je ne chante jamais que lorsque mes huit griffes ont trouvé, sarclant l'herbe et chassant les cailloux, la place où je parviens jusqu'au teuf noir et doux. Alors, mis en contact avec la bonne terre, je chante, et c'est déjà la moitié du mystère, faisane, la moitié du secret de mon chant, qui n'est pas de ces chants qu'on chante en les cherchant, mais qu'on reçoit du sol natal, comme une serre. Et l'heure où cette sève en moi surtout s'élève, l'heure où j'ai du génie enfin, où j'en suis sûr, c'est l'heure où l'aube hésite au bord du ciel obscur. Alors, plein d'un frisson de feuilles et de tiges qui se prolongent jusqu'au bout de mes rémiges, je me sens nécessaire. Et j'accentue encore ma cambrure de trompe et ma courbe de corps. La terre parle en moi comme dans une conque, et je deviens, cessant d'être un oiseau quelconque, le porte-voix en quelque sorte officiel, par quoi le cri du sol s'échappe vers le ciel. Et ce cri qui monte de la terre, ce cri, c'est un tel cri d'amour pour la lumière. C'est un si furieux et grondant cri d'amour pour cette chose d'or qui s'appelle le jour. Et que tout veut avoir le pain sur ses écorces, les sentiers soulevés par des racines torses sur leur mousse, l'avoine en ses brins délicats, et les moindres cailloux dans leur moindre mica. C'est tellement le cri de tout ce qui regrette sa couleur, son reflet, sa flamme, son aigrette ou sa perle. Le cri suppliant par lequel le pré mouillé demande un petit arc-en-ciel à chaque pointe verte, où la forêt mendie, au fond de chaque allée obscure, un incendie. Ce cri qui, vers l'azur, monte en me traversant. C'est tellement le cri de tout ce qui se sent comme mis en disgrâce au fond d'un vague abîme, et puni de soleil, sans savoir pour quel crime, le cri de froid, le cri de peur, le cri d'ennui, de tout ce que désarme ou désœuvre la nuit, de la rose tremblant dans le noir, toute seule, du foin qui veut sécher pour aller dans la meule, des outils oubliés dehors par les faucheurs, et qui vont se rouiller dans l'herbe, des blancheurs qui sont lasses de ne plus être éblouissante. C'est tellement le cri des bêtes innocentes qui n'ont pas à cacher les choses qu'elles font, et du ruisseau qui veut être vu jusqu'au fond, et même, car ton œuvre, ô nuit, te désavoue, de la flaque qui veut miroiter, de la boue qui veut redevenir de la terre en séchant. C'est tellement le cri magnifique du champ qui veut sentir pousser son orge ou ses épautres, de l'arbre ayant des fleurs qui veut en avoir d'autres, du raisin vert qui veut avoir un côté brun, du pont tremblant qui veut sentir passer quelqu'un et remuer encore doucement sur ses planches les ombres des oiseaux dans les ombres des branches. Enfin, c'est tellement le cri vers la clarté, de toute la beauté, de toute la santé et de tout ce qui veut, au soleil, dans la joie, faire son œuvre en la voyant, pour qu'on la voie. Et lorsque monte en moi ce vaste appel au jour, j'agrandis tellement toute mon âme pour qu'étant plus spacieuse, elle soit plus sonore, et que le large cri s'y élargisse encore, avant de le jeter. C'est si pieusement que je retiens ce cri dans mon âme un moment. Puis quand, pour l'en chasser, enfin je la contracte, je suis si convaincu que j'accomplis un acte, j'ai tellement la foi que mon cocorico fera rouler la nuit comme une Jéricho, chante clair et sonnant d'avance sa victoire. Mon chant jaillit si net, si fier, si péremptoire que l'horizon saisi d'un rose tremblement m'obéit, chante clair, je chante. Vainement la nuit pour transiger m'offre le crépuscule. Je chante et tout à coup, je recule, ébloui de me voir moi-même tout vermeil et d'avoir, moi, le coq fait lever le soleil. La faisane. Alors, tout le secret de ton chant, c'est que j'ose avoir peur que sans moi, l'Orient se repose. Je ne fais pas cocorico pour que l'écho répète un peu moins fort au loin cocorico. Je pense à la lumière et non pas à la gloire. Chanter, c'est ma façon de me battre et de croire. Et si de tous les chants, mon chant est le plus fier, c'est que je chante clair, afin qu'il fasse clair. Mais il tient des propos qui sont fous. Tu fais naître ce qui rouvre la fleur, l'œil, l'âme, la fenêtre, parfaitement. Ma voix dispense la clarté. Et quand le ciel est gris, c'est que j'ai mal chanté. Mais lorsque vous chantez en plein jour, je m'exerce. Ou bien je jure au soc, à la bêche, à la herse, à la faux, de remplir mon devoir d'éveillé. Mais qui t'éveille, toi ? La peur de l'oublier. Et tu crois qu'à ta voix le monde entier s'inonde ? Je ne sais pas très bien ce que c'est que le monde. Mais je chante pour mon vallon, en souhaitant que dans chaque vallon, un coq en fasse autant. Pourtant, mais je suis là, j'explique, je pérore, et je ne pense plus à faire mon aurore, son aurore. Ah, je tiens des propos qui sont fous. Je vais faire lever l'aurore devant vous. Et je sens qu'au moyen dont mon âme dispose, le désir de vous plaire, ajoutant quelque chose qui me fera chanter comme sur des sommets, elle va se lever plus belle que jamais. Plus belle, assurément. Et de tout ce qu'ajoute de force à la chanson de savoir qu'on l'écoute, d'allégresse à l'exploit d'être fait sous des yeux. Madame, qu'il est beau, regardez bien les cieux. Ils ont déjà pâli. C'est que j'ai tout à l'heure mis par mon premier chant le soleil en demeure d'avoir à se tenir derrière l'horizon. Il est tellement beau qu'il semble avoir raison. Ah, soleil, je te sens là derrière qui bouge. Je ris déjà d'orgueil dans mes barbillons rouges. Cocorico ! Quel souffle a gonflé son camail ! Obéis-moi ! Je suis la terre et le travail. Ma crête a le dessin couché d'un feu de forge. Et je sens le sillon qui me monte à la gorge. Oui, oui, mois de juillet. À qui donc parle-t-il ? Je vais te le donner plutôt qu'au mois d'avril. Oui, la broussaille, oui, la fougère. Il est superbe. Ah, c'est que tout le temps je dois penser, oui, l'herbe, à tous ces humbles vœux dont je deviens la voix. L'échelle d'or, oui, pour danser tous à la fois. À qui promettez-vous une échelle ? Aux atomes. Cocorico ! Un frisson bleu court sur les chaumes. Une étoile s'éteint, non ! Elle se voit là. Même quand il fait jour, les étoiles sont là. Tu ne les éteins pas ? Je ne sais pas éteindre. Mais tu vas voir comment j'allume. Ah, je vois poindre quoi ? Le bleu n'est plus bleu, mais il est vert déjà. Le vert s'est orangé. Ce vert qui s'orangea, c'est toi qui ce matin l'auras vu la première. Tout a l'air de finir par des champs de bruyère. Coco ! Ah, dans les pins, du jaune, il faut de l'or, du gris, il faut du blanc. Ça n'y est pas encore. Cocorico ! C'est très mauvais, mais je m'obstine. Chaque trou dans chaque arbre a l'air d'une églantine. Je veux, puisqu'à ma foi vient s'ajouter l'amour, que le jour aujourd'hui soit plus beau que le jour. Tiens, vois-tu qu'à ma voix l'Orient se pommelle ? La faisane, c'est possible après tout. puisque l'amour s'en mêle. Chantecler, horizon! Reprenez à mes cocoricots vos lignes de petits peupliers verticaux. La faisane, on voit sortir de l'ombre un monde que tu crées. Chantecler, je te fais assister à des choses sacrées. Colline des lointains, précisez vos contours. Faisane, m'aimez-vous? La faisane, nous aimerons toujours être dans le secret des éveilleurs d'aurore. Tu me fais mieux chanter, viens plus près. Collabore, je t'aime. Oui, tous les mots que tu me dis tout bas deviennent aussitôt plus de soleil là-bas. Je t'aime, et si tu dis seulement je t'adore, je vais dorer d'un coup la montagne. Eh bien, dors, cocorico, mets les coteaux, chacun son tour. C'est ton cime d'abord à recevoir le jour. Cocorico, ah, sur une pente engourdie glisse un premier rayon. Tiens, je te le dédie. Les villages lointains commencent à se voir. Coc, vous n'en pouvez plus. Si, je veux en pouvoir. Cocorico, cocorico, mais tu t'épuises. Vous voyez bien qu'il flotte encore des choses grises. Cocorico, tu vas te tuer. Je ne vis que lorsque je me tue à pousser de grands cris. Je suis fier de toi. Votre tête s'incline. J'écoute se lever le jour dans ta poitrine. J'aime avoir entendu d'abord dans tes poumons ce qui viendra plus tard des pourpres sur les monts. Je te dédie encore ces fermes rallumées. L'homme offre des rubans. Moi, j'offre des fumées. Je vois grandir ton œuvre au loin, moi dans tes yeux, sur les prés, sur ton col. Ah, c'est délicieux. Quoi ? Je fais mon devoir en te rendant plus belle. Je redore à la fois mon vallon et ton aile. Mais l'ombre en s'enfuyant livre encore des combats. Il reste quelque chose à faire par là-bas. Cocorico, hola ! Que veux-tu que j'y fasse ? L'étoile du matin s'efface. Elle s'efface. Oh, mais nous n'allons pas nous attrister ainsi. Il reste quelque chose à faire par ici. Coc ! Tiens, les entends-tu maintenant ? Qui donc ose ? Ce sont les autres coqs. Ils chantent dans du rose. Et ils croient à la clarté dès qu'ils peuvent la voir. Ils chantent dans du bleu. J'ai chanté dans du noir. Ma chanson s'éleva dans l'ombre et la première. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Chanter en même temps que toi, ça ne fait rien. Leurs chants prennent un sens en se mêlant au mien. Et ces cocoricots tardifs mais qui font nombre hâtent sans le savoir la retraite de l'ombre. Oui, tous, cocorico, hardi le jour, hardi, mais oui, c'est ce toit-là qu'il faut dorer, pardi. Allons, voyons, du vert sur cette chènevière, du blanc sur le chemin, du bleu sur la rivière, le soleil, il est là, je le vois. Mais il faut l'arracher de derrière ce bois. Co, il vient, co, voici, ri, qu'il sort, co, de l'orme, cocorico, enfin, c'est fait. Il est énorme. Un chant pour saluer le beau soleil levant, non. Je n'ai plus de voix. Je l'ai donnée avant. Ça ne fait rien. Il a les fanfares des autres. Comment, quand il paraît, il n'entend pas les vôtres? Non, jamais. Mais alors, il croit peut-être bien que c'est eux qui l'ont fait lever. Ça ne fait rien. Mais, chut, viens sur mon cœur que je te remercie. L'aurore n'a jamais été mieux réussie. Mais par quoi serez-vous payé de votre mal? Par les bruits de réveil qui montent de ce val. Dis-les-moi, je n'ai plus la force de les suivre. J'entends un doigt qui frappe au bord du ciel de cuivre. L'Angélus. D'autres coups qui semblent être un peu un Angélus de l'homme après celui de Dieu. La forge. Un meuglement, puis un chant. La charrue. Un nid semble tomber dans la petite rue. L'école. Des lutins que je ne peux pas voir se donnent des soufflets dans de l'eau. Le lavoir. Et tout d'un coup, de tous les côtés, qui sont-elles? Ces cigales de fer qui se frottent les ailes. Ah, puisque sur les faux passent les affiloirs, les faucheurs dans les blés vont s'ouvrir des couloirs. travail. Et j'ai fait cela. C'est impossible. Ah, Faisan, au secours, voilà l'instant terrible. J'ai fait lever le jour, moi. Pourquoi? Comment? Où? Sitôt que ma raison revient, je deviens fou. Car moi, qui crois pouvoir rallumer l'or céleste, eh bien... Oh, c'est affreux! Quoi donc? Je suis modeste. Tu ne le diras pas? Non, mon coq, tu promets? Ah, que mes ennemis ne le sachent jamais. Chanteclerc, je me trouve indigne de ma gloire. Pourquoi m'a-t-on choisi pour chasser la nuit noire? Oui, dès que j'ai rendu les cieux incandescents, l'orgueil qui m'enlevait tombe. Je redescends. Comment, moi, si petit, j'ai fait l'aurore immense? Et l'ayant faite, il faut que je la recommence? Mais je ne pourrai pas. Je ne vais pas pouvoir, je ne pourrai jamais. Je suis au désespoir. Console-moi, mon coq. Je me sens responsable. Ce souffle que j'attends quand je gratte le sable, reviendra-t-il? Je sens dépendre l'avenir de ce je ne sais quoi qui peut ne pas venir. Comprends-tu maintenant l'angoisse qui me ronge? Ah, le signe est certain lorsque son cou s'allonge de trouver sous les eaux des herbes. L'aigle est sûr de tomber sur sa proie en tombant de l'azur. Toi, de trouver des nids de fourmis dans la terre. Mais moi, dont le métier me demeure un mystère et qui du lendemain connaît toujours la peur, suis-je sûr de trouver ma chanson dans mon cœur? Oui, tu la trouveras. Parle ainsi, j'écoute. Il faut me croire quand je crois. Pas quand je doute. Redis-moi, tu es beau. Non, ça me dégale. Vous avez bien chanté. Dis que j'ai chanté mal, mais que j'ai fait lever. Oui, oui, je vous admire. Non, dis-moi que c'est vrai. Ce que je viens de dire. Quoi? Que c'est moi qui fais... Oui, mon coq glorieux, c'est toi qui fais lever l'aurore. Eh ben, mon vieux, le merle. Le merle, mon secret... Ce moqueur alerte ne nous laisse pas seuls, j'ai l'âme encore ouverte, les rires entreraient. Ça, c'est beau. Mais d'où sors-tu? De ce pot. Comment? J'y consommais du perce-oreille cru dans de la terre cuite. Quand soudain, ah, je veux t'exprimer tout de suite quel éblouissement. Mais quoi? Ça jette un froid? Qu'un pot puisse être un jour moins sourd qu'on ne le croit? Écoutez, dans un pot, se peut-il qu'on s'abaisse? Oh, qu'importe le pot, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et je viens de la voir, la grande, j'étais fou. Je trépignais l'argile en lorgnant par ce trou. Vous regardiez? Mais oui. Ce rouge tronc de cône avait juste un trou noir pour passer mon bec jaune. Et puis, c'était trop beau. Pardon, mais j'ai du goût. Puisque vous l'admirez, dit la faisane, je vous pardonne tout. Mais la belle beauté, j'y vais du pléonasme. Comment toi, tu pourrais... Ah, tu sais, l'enthousiasme. Je ne suis pas porté sur ce genre de sport. Eh bien, cette fois-ci, mon vieux, c'est le transport. Vraiment, je ne prends pas, tu vois, quand je t'admire, un pigeon voyageur pour te l'envoyer dire. Ce coq qui chante, cette aurore qui lui, je crois que je peux vous laisser avec lui. Où vas-tu donc? Je vais chez la... Car son aubade a même fait lever le jour de la pintade. Dois-je y aller, sachant maintenant jusqu'où tu t'élevas? Je te dispense de pintade. Et tu y vas. J'ai besoin de montrer ton soleil sur ma robe. Je reviens. Reste. Oui, ça vaut mieux qu'il se dérobe. Pourquoi? Pour rien. Ce coq. Tu reviens vite. Oui. Tu vois, le merle noir lui-même est ébloui. Et ton sifflet. Ça me l'a coupé d'une gifle. C'est d'admiration maintenant que je siffle. Comme ça, tu sais. Ça, c'est bien. Tu n'es pas si mauvais. Je le disais au chien. Ça, tu sais, mon petit, c'est très fort. Oh, pour plaire aux poules, leur persuader qu'on peut faire lever l'aube, tout simple. Il fallait le trouver. C'est dans l'œuf de colon qu'on a dû te couver. Mais tous les donjons près de toi sont des ânes. Faire lever le jour pour lever des faisanes. Et cet effet, tais-toi. Joli, le petit toit qu'il faut dorer. Parfait, les atomes, tais-toi. Et le coup de l'accès modeste. Oh, oh, je t'adore. Non, ce qu'il la connaît, celui-là. Qui ? L'Aurore, oui. J'ai l'honneur de la connaître. Troubadour. Tu ne crois pas que c'est arrivé ? Quoi ? Le jour ? Mais oui, c'est arrivé. Très bien. Oui, mon prophète, tu l'as fait bien. Il l'a fait bien. Elle est bien faite. La lumière, assez bien. J'y suis habitué. Le soleil m'obéit. Oui, mon vieux Josué. Tu sens venir l'aurore et puis tu coqueriques. Il n'y a rien de plus roublard que ces lyriques. Malheureux. Dans ton pont, toi-même, tu coupas. Hein ? Nous savons comment ça se fait. Vous ? Moi pas. Moi, je chante en m'ouvrant le cœur. C'est un système raille-tout. Mais pas ça, si tu m'aimes. Je t'aime, à moitié. Quand on raille un peu ton Fiat Lux, on n'est que le demi-castor de son Pollux. Oh non, pas ça, pas ça. Mon vieux, ce n'est pas ma faute, moi je ne marche pas. C'est juste, il saute. Mais vois dans quel état d'émotion je suis. Ne fuis plus dans des mots. Prends-moi comme je fuis. Il s'agit de ma vie et de la plus profonde. Oh, je veux te convaincre. Oh, fût-ce une seconde, j'ai besoin d'attraper ton âme. Une fois. Dans le fond, n'est-ce pas, tu m'as cru ? Je te crois. Je pense que tu sais ce que ce chant me coûte. Tu penses. Tu m'entends, n'est-ce pas ? Je t'écoute. Mais voyons, pour chanter ainsi que j'ai chanté, tu sens bien qu'il fallait avoir une santé. Ah, soyons sérieux, car nous avons des ailes. Oui, c'est ça, proférons des choses éternelles. Mais pour voir poindre l'aube au cri de son larynx, il faut être à la fois feu stentor et feu lynx. Cette âme, ah, mais je tiens à la poursuivre encore. Voyons. Le comprends-tu ce que c'est que l'aurore ? Ben oui, mon vieux. C'est l'heure où l'horizon vermeil, si j'ose m'exprimer ainsi, pique un soleil. Mais que dis-tu quand tu vois sur les monts l'aube luire ? Je dis que la montagne accouche d'un sourire. Et que dis-tu quand je chante dans le sillon, même avant le grillon ? Pends-toi, brave grillon. Tu n'as pas eu besoin de crier quelque chose. Lorsque j'ai fait lever une aurore si rose qu'un héron avait l'air au loin d'être un ibis. Mais si, mon vieux, j'ai failli crier bis. Cette âme, on n'est plus là d'avoir couru sur elle que d'avoir tout un jour chassé la sauterelle. Tu n'as pas vu le ciel. Je n'ai pas pu le voir, on ne voit que le sol par ce petit trou noir. Tu n'as pas vu trembler les cimes écarlates. Pendant que tu chantais, je regardais tes pattes. Elles esquissaient sur le molle terre-plein le pas de l'éveilleur d'aurore. Je te plains. Va-t'en vers l'ombre, merle obscure. Oui, coq célèbre, moi, c'est vers le soleil que je cours. Tel un guèbre, car sais-tu ce que c'est que vivre uniquement ? Ah non, n'élevons pas le débat. C'est plumant, l'effort qui rend sacré l'être le plus infime. C'est pourquoi, vil railleur de tout effort sublime, je te méprise. Et ce rose effraie l'escargot qui tâche à lui tout seul d'argenter un fagot, je l'estime et moi je le gobe. Oh, c'est infâme, pour faire un mot, éteindre une petite flamme. Tu n'as pas plus de cœur que d'âme. Assez, je romps. Oui, mais j'ai de l'esprit. Nous en reparlerons. Soit je t'offrai gaiement quelques grains d'ellébore, je m'en lave après tous les pattes, corrobore ce que tes ennemis vont racontant. Qui, quoi ? Joue à l'oiseau soleil qui dit l'éclat, c'est moi. Tu fréquentes donc ceux qui me tiennent en haine ? Ah, ça te vexe. Oh non, pauvre calombredaine. L'habitude t'emporte, et ce n'est plus exprès que même en amitié tu fais des à peu près. Quels sont mes ennemis ? Les hiboux, imbécile. Mais croire à mon destin me devient trop facile si les hiboux sont contre moi. Sois donc heureux. Ils veulent, l'éclairage étant trop fort pour eux, faire couper, quoi ? Le compteur, le ta gorge, par qui ? Par un confrère, un coq, un vrai Saint-Georges qui doit attendre, ou donc, chez la pintade, ah bah ! C'est un de ces oiseaux dressés pour le combat qui ne ferait de nous qu'une capilotade si nous allions, où donc vas-tu ? Chez la pintade. Ah, c'est vrai, j'oubliais qu'on est des chevaliers, n'y va pas, si, non, tiens, quoi donc ? Mais vous ne teniez pas dans ce pot, mais si, comment ? Je réitère. Par ce petit trou noir, je regardais la terre. Tiens, regarde le ciel par un petit trou bleu. Car vous pouvez nier l'azur en poté, mais on peut, pour vous forcer d'en voir au moins une rondelle, retourner votre peau quelquefois d'un coup d'aile. Je n'ai plus rien, elles m'ont tout pris, mon chant lui-même. Comment le retrouver? La faisane, viens dans les bois, je t'aime. Chantelaire, je t'aime. Viens dans les bois où jamais des oiseaux on embrouille la voix. Partons, mais je veux dire au moins, viens dans les bois à tout le pintadisme assemblé sous ses treilles. Laissez le potager. N'est-ce pas les abeilles? Travailler à changer en fruits sa floraison. Bourdonnement des abeilles, il a raison, il a raison, il a raison. Rien ne se fait de bon dans le bruit. Il empêche la branche, il a raison, de mettre à point sa pêche. La grappe, il a raison, de mûrir sur le cep. Pardon, mais je veux dire encore à toutes ces houles qu'ils vont s'enfuir, tous ces coqs peu sincères, vers les mangeoires d'or qui leur sont nécessaires, dès qu'on criera de loin, petit, petit, petit, car tous ces charlatans n'ont que des appétits. Viens, elle l'enlève, oui, mais il faut encore que je dise à ce pan, devant cette pécore, la pintade, il m'insulte chez moi, c'est sensationnel. Faux brave, que la mode a pris pour colonel. Vous marchez dans la peur dont votre gorge est bleue, de paraître en retard aux yeux de votre queue, mais poussé tout le temps par tous ces yeux qu'elle a, vous tomberez. Et vous irez finir dans la fausse immortalité que donnent faux artistes, le dirais-je, empailleur, oui, non, taxidermiste, pour employer le mot que vous auriez choisi. Et voilà, mon cher Pan, Pan, dit le merle. Et quant à toi, vas-y, j'y vais. Toi, tu connus par quelques matins blêmes un moineau de Paris, tu nous l'as dit toi-même. C'est ce qui t'a perdu. Depuis, la peur te tient de n'être pas toujours très moineau parisien. Mais j'y vais. Et sans soupçonner une minute que jamais un sifflet ne pourra dire flûte, voulant poser tes pieds, toi, le merle des bois, comme si tu marchais sur le pavé de bois, désormais, j'y vais. J'y vais. Toujours, sans trêve. Moineau temps jour et nuit. Moineau temps même en rêve. Condamné par toi-même à moineauter sans fin. Pour faire le moineau, tu feras le serin. Mais, oh, touchants efforts d'un oiseau de province. Pour dire avec l'accent faubourien, mon prince, c'est en vain que tu mets ton gros bec de travers. Tu veux cueillir les mots d'argot? Ils sont trop verts. Chaque grain que tu prends te crève aux mandibules. Les raisins de Paris sont des grappes de bulles. N'ayant pris au moineau que son truc et son tic, tu n'es qu'un sous-farceur et qu'un vice-loustique. Dans ton gros habit noir, tu refais, en moins juste, les tours du clone divin dont tu n'es que l'auguste. Tu nous resserres les vieux pyrrhonismes jobards qu'on trouve en picorant les miettes des grands bars. Pauvre petit oiseau, qui croit qu'il nous épate en venant réciter sa nouvelle à la patte. Les rivaroles manquées s'appellent Calino, mais j'y vais. Ah, tu veux imiter le moineau. Mais lui qui n'admet pas que sournoisement rosse de la désinvolture en face un sacerdoce, et que l'on soit espiègle avec autorité, il n'est pas le pédant de la légèreté, rieur des buissons bas qui jamène tes lances. Toi, tu veux imiter coq du Japon, silence. Ou bien je vous rabats votre kakémono. Ah, permettez, tu veux imiter le moineau. Mais sa blague n'est pas une prudence, un art de rester vague, un élégant moyen de n'avoir pas d'avis. Il a toujours des yeux furieux ou ravis. Et veux-tu maintenant la clé d'or qui remonte comme un joujou charmant, sa blague jeune et prompte? Le veux-tu le secret par quoi ce camelot sait nous cambrioler le cœur avec un mot, de sorte qu'il n'est rien à lui qu'on ne pardonne? Le voulez-vous? Un sou, deux sous, non? Je le donne. Demandez le secret du moineau de Paris. C'est que ses cris railleurs sont des cris attendris. C'est qu'il est libre et fier, c'est qu'il croit, c'est qu'il aime. C'est que seuls les barreaux d'un balcon du cinquième, où pour lui quelque enfant aura mis le couvert, formeront un instant sa cage à ciel ouvert. C'est qu'on peut être sûr qu'il a l'âme gamine, car il a gaminé lorsqu'il criait famine. Son fameux « oh là là » qui nargue le passant, c'est un cri de douleur dont on changea l'accent. Ah, tu veux l'imiter, ce fou qui fait des niches, mais de l'arc de triomphe habite les corniches et les trous de la barricade. Le moineau, qui sait être sublime en répondant guano, qui chante sous le plomb, qui rit devant la broche. Il faut savoir mourir pour s'appeler Gavroche. Mais vous, qui sans gaieté, parce que sans amour, vous êtes figuré que le mauvais humour peut remplacer la bonne humeur, et qu'on détrône le Pierrot, lorsqu'on n'est qu'un nègre qui rit jaune, et que nous confondrons, oh, lourdeau sautillant, vos mots d'esprit, qui sont des éteignoirs brillants, avec ces traits du cœur qui sont des étincelles, vous pouvez vous fouiller si vous avez des ailes. Très bien, tu vas te venger sur le dindon. Petit, petit, petit, petit, vous partez, oui, pardon, on part, c'est le départ. Viens, ma faisane fauve. Alors, vous vous sauvez, c'est mon champ que je sauve. Oh, mon fils, je suis dans un état, je suis dans... Et quand reviendrez-vous? Quand vous aurez des dents. C'est la plus belle fête encore qu'il n'y ait eu. Au revoir, à lundi, c'est fini. L'huissier Pie annonce la tortue. Le quatrième acte. C'est l'heure où lentement deux fauvettes, dont l'une est à capuchon noir et l'autre à mante brune, car l'une est des jardins et l'autre est des roseaux, vont dire l'oraison du soir. Dieu des oiseaux, ou plutôt, car il sied avant tout de s'entendre, et le vautour n'a pas le dieu de la calandre, Dieu des petits oiseaux, qui, pour nous alléger, mit de l'air dans nos os, et pour nous embellir, mis du ciel sur nos plumes. Merci de ce beau jour, de la source où nous bûmes, des grains qu'ont épluché nos becs minutieux, de nous avoir donné d'excellents petits yeux qui voient les ennemis invisibles des hommes, de nous avoir munis, jardiniers que nous sommes, de bons petits outils de cornes blonds ou noirs, qui sont des sécateurs et des échenilloirs. Demain, nous combattrons les chardons et les niels. Pardonnez-nous ce soir nos fautes vénielles, et d'avoir dégarni deux ou trois groseilliers. Pour que nous dormions bien, il faut que vous ayez soufflé sur nos yeux ronds que ferment trois paupières. Seigneur, si l'homme injuste, en nous jetant des pierres, nous paye de l'avoir entouré de chansons et d'avoir disputé son pain au charançon, si dans quelques filets notre famille est prise, faites-nous souvenir de saint François d'Assise et qu'il faut pardonner à l'homme ses réseaux parce qu'un homme a dit « Mes frères, les oiseaux ». Et vous, François, grand saint, bénisseur de nos ailes, priez pour nous. Prédicateur des hirondelles, confesseur des pinsons, priez pour nous. Rêveur qui crûtes à notre âme avec tant de ferveur, que notre âme depuis se forme et se précise, priez pour nous. Obtenez-nous, François d'Assise, le grain d'orge, le grain de blé, le grain de mil, ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Chante clair la faisane. Maintenant la fougère de lune baignée, maintenant soir espoir, merci bonne araignée, maintenant tu pourrais m'embrasser maintenant. Oh, tous ces lapins qui nous regardent, c'est gênant. Tu l'aimes ma forêt, elle m'est chère, puisque j'ai retrouvé mon chant dès sa lisière. Branchons-nous car demain je chante très tôt, mais un seul chant, oui. Depuis un mois, je n'en permets qu'un seul. Oui. Le soleil monte-t-il moins? Il monte. Tu vois qu'on peut avoir l'aurore à meilleur compte. Pour un seul chant, le ciel est-il moins cramoisi? Non. Alors, un baiser? Tu n'y es pas. Sois-y. Pourquoi te surmener? Tu gaspillais ton cuivre. C'est très joli le jour, mais enfin, il faut vivre. Ah, les mâles. Si nous n'étions pas là, voilà comme ils seraient dupés. Oui, mais vous êtes là. Et d'ailleurs, quand je dors, c'est de la barbarie que de coqueliner cent fois. Riquet, chérie. On dit coqueliner. Riquet. Monsieur Pivert. Je consulte l'oiseau qui porte un habit vert. Dit-on je coqueline ou bien je coquerique? Les deux. Ah. Line est tendre. Eric est plus lyrique. C'est pour toi que je coqueline. Oui, mais quand vous riquez, c'est pour l'aurore. Oh, ça, c'est du jaloux. Même plus qu'elle. Aïe, un filet. Prêt à s'abattre. Diable. Engin prohibé, loi de 44. Comment tu sais ça, toi? Vous semblez oublier que vous avez l'honneur d'adorer un gibier. Nous sommes, il est vrai, de différentes races. Plus qu'elle, je voudrais que tu m'adores. As! Oh, pas dans un duo d'amour. Dites donc, vous, tâchez une autre fois de frapper vos trois coups. Bien. Il met trop son bec entre l'arbre et l'écorce, mais c'est un grand savant, très fort. Sur quoi, sa force? Sur le langage des oiseaux? Ah, car tu sais, les oiseaux, pour prier, parlent en vers français, mais pour parler entre eux, dans les CP, un patois cristallin fait d'onomatopée. Il parle japonais. Entrez, japonais! Oui, les uns disent tio-tio, les autres tsui-tsui. Le pivert, les oiseaux parlent grec, depuis Aristophane. Ah, pour l'amour du grec. Sachez, jeunes profanes, que le cri du traqué rieur, oui, oui, stratra, est la corruption du mot lisistrata. La faisane, à Chanteclair, tu n'aimeras jamais que moi. Entrez, parole. Thierry Para chante au roseau la rousserolle, du grec para, le nom, sous-entendu de l'eau. Il est coiffé du grec. Dame, il a pour calot un petit bonnet grec. La faisane, suis-je tout pour toi? Certes, mais dans ma robe orientale, à manches vertes, je t'apparais comment? Comme un ordre vivant de toujours adorer ce qui vient du Levant. Laisse un peu ton aurore incertaine, et préfère celle que dans mes yeux tu es plus sûr de faire. Je n'oublierai jamais cependant qu'un matin, nous avons été deux à croire à mon destin, et qu'à l'heure héroïque où l'amour vient d'éclore, tu me passais ton or pour l'aurore. Ah, l'aurore, prends garde, je ferai des bêtises. Faisan, j'ai rencontré dans la clairière le faisan. Jure-moi de ne plus aller dans la clairière, et jure-moi de m'aimer plus que la lumière. Oh, de ne plus chanter qu'un chant, ça, c'est promis. Entrez, le piège, c'est le fermier qui l'a mis. Il a dit qu'il prendrait la faisane. Il se vante, et qu'il vous garderait à la ferme. Vivante, à ta ferme. Alors bon, un lapin qui ressort. Vous savez, quand on met le pied sur le ressort, je connais les filets, mon petit, ça se ferme. Et d'ailleurs, je n'ai peur que des chiens. À ta ferme. Que tu regrettes. Moi? Que des chiens. Et tenez, il faut que j'aille un peu pour leur brouiller le nez, croiser mes pas dans l'herbe et dans les vinaigrettes. Oui, c'est, va brouiller le nez des chiens. Tu la regrettes, ta ferme? Moi? Moi? Moi? Elle ne revient pas? Non. Fais le guet, on va me parler de là-bas. Qui? Le merle. J'ai cru qu'il te détestait, certes. Mais tout s'arrange avec l'esprit merle-noiresque, et ça l'amuse de me renseigner un peu. Il va venir, lui? Non. Mais le liseron bleu qui s'ouvre dans sa cage au milieu des glycines correspond par le fil souterrain des racines à ce liseron blanc qui tremble au bord de l'eau. De sorte qu'en parlant dans le calice, allô? Du grec allos. Un autre. On parle avec un autre. Allô, le merle? Quelle imprudence est la vôtre? Parmi les liserons, choisir juste celui... Ben, c'est le seul qui reste ouvert toute la nuit. Quand le merle répond, l'abeille qui sommeille dans la fleur se réveille et l'abeille. Nous nous liseronnons. Vous vous liseronnez. Ah, ce matin? Quoi donc? 30 poussins sont nés. Briffaut, malade? Ah, des libellules, leurs ailes crépitent. Ne coupez donc pas, mesdemoiselles. Et le grand Jules, force à braconner pas tout? Ah, si tu connaissais pas tout. Ah, sans moi, tout va mal. Oui, le gâchis. On revient. Le pivert, la faisane. Ah, arrête! Les canards ont passé la nuit sous la charrette? Ah, tiens. Qui? Tous? Oui. Non. Oh! Et? Ah! Qu'ils mettent une fourmi sur sa langue. Déjà le pan démodé. Psst! Vous? Un vieux coq. J'espère que les poules... Ah, bien. Oh, bien. Ah, oh, bien, bien. Un père, bon. Si je chante, oui, mais loin d'ici, près des étangs. Les faisans d'or n'attendent pas longtemps que d'un effort trop dur, une gloire s'achète. Je vais donc travailler à l'aurore en cachette. La faisane, oh! Dès que le bel œil qui m'enivre, ah, se clôt, dès qu'elle dort, délicieuse. Ah, je file. Oh, je vais dans la rosée au loin chanter le nombre de chants qu'il faut. Et quand je sens vaciller l'ombre, oui, quand il ne me reste à frapper qu'un seul chant, je reviens et sans bruit, vite me rebranchant, je l'éveille en le chantant près d'elle. Trahi par la rosée ? Oh non ! Car d'un coup d'aile, j'époussette mes pieds tout argentés d'égaille. Vous époustez ! Aïe ! Je... Non, rien, plus tard ! Aïe ! Ainsi, non seulement tu te réintéresses à la fidélité de tes vieilles maîtresses, mais encore, je... Vous me trompiez jusqu'à penser à vous épousseter les pieds. Mais ce rustre, tenez, qu'on a pris sur sa meule, et l'on ne pourrait pas dans son âme être seul. Quand on habite une âme, il vaut mieux, crois-le bien, s'y rencontrer avec l'aurore qu'avec rien. Non, c'est le grand amour que l'aurore m'enlève. Il n'est de grand amour qu'à l'ombre d'un grand rêve. Comment ne veux-tu pas qu'il coule plus d'amour d'un cœur qui, par métier, doit s'ouvrir tous les jours? Je veux tout balayer de ma plume alzane, moi. Qui donc êtes-vous, vous? Je suis la faisane qui, du mâle superbe, a pris les plumes d'or. Vous n'en restez pas moins une femelle encore, pour qui toujours l'idée est la grande adversaire. Serre-moi sur ton cœur et tais-toi. Je te serre, oui. Sur mon cœur de coq. Mais c'eût été meilleur de te serrer contre mon âme d'éveilleur, me tromper pour l'aurore. Eh bien, quoi qu'il t'en coûte, trompe-la pour moi. Moi, comment? Je veux, écoute, je veux que tu restes un jour sans chanter. Moi, je veux que tu restes un jour sans chanter. Mais, grand Dieu, laisser sur la vallée au loin l'ombre installée, oh, quel mal cela peut-il faire à la vallée? Tout ce qui trop longtemps reste dans l'ombre et dort s'habitue au mensonge et consent à la mort. Reste un jour sans chanter, ça m'ôtera des doutes. Je vois ce que tu veux. Moi, ce que tu redoutes. Je chanterai toujours. Et si tu te trompes pas, si l'aube vient sans toi, je ne le saurai pas. Tu peux oublier l'heure une fois si je pleure. Non, rien ne peut jamais te faire oublier l'heure. Rien. Je sens trop sur moi peser l'obscurité. Tu sens peser. Veux-tu savoir la vérité? Tu veux chanter pour l'aube. Et c'est pour qu'on t'admire. Chanteur, mais tes pauvres notes font sourire la forêt qui connaît les bémols du Bouvreuil. Oui, tu veux maintenant me prendre par l'orgueil, mais ton chant ne doit pas réunir les suffrages de 4 champignons et de 3 saxifrages quand l'ardent loriot lance aux buissons épais son pire piriol du grec purpuros. Vous, la paix! Et l'écho peut sur toi faire quelques réserves quand il entend le grand rossignol. Tu m'énerves. Tu l'entends dit? Jamais. Ces chants sont si puissants que la première fois... Oh, quoi? Rien. Ah, tu sens peser la nuit. Quoi? Rien. Branchons-nous. Il ignore que lorsqu'un rossignol chante en un bois sonore et qu'on croit l'écouter 5 minutes chanter, on a passé la nuit entière à l'écouter. Trompé comme en un bois de légende allemande. Que dis-tu? Rien. L'illustre coq. On me demande. Là, dans l'herbe. Oh, mon Dieu, ce sont les. Reçois-les. Nous venons. Ventre bleu, qu'ils sont les. Pour saluer au nom de la forêt qui pense, l'auteur de tant de chants. Oh, sa main sur sa panse. Après la mort du rossignol, un autre chante quand celui-ci disparaît. Il faut un rossignol toujours dans la forêt. Et dans l'âme, une fois si bien habituée, qu'elle y revienne encore après qu'on l'a tué. Mais si le soleil monte, eh bien c'est que dans l'air, il avait dû rester de ma chanson d'hier. Il s'est tu. Les hiboux fuyant la clarté neuve sont rentrés dans le bois. Il s'est tu. Et la preuve que je servais à la clarté quand je chantais, c'est que tous les hiboux sont gais. Quand je me tais, je fais venir l'aurore et je fais plus. Vous faites? Car dans les matins gris où tant de pauvres bêtes, s'éveillant sans y voir, n'osent croire au réveil, le cuivre de mon chant remplace le soleil. Allons chanter! Comment reprend-on du courage quand on douta de l'œuvre? On se met à l'ouvrage. Mais si tu ne fais pas se lever le matin, c'est que je suis le coq d'un soleil plus lointain. Mes cris font à la nuit qu'il perce sous ses voiles. Ses blessures de jour qu'on prend pour des étoiles. Moi, je ne verrai pas luire sur les clochers le ciel définitif fait d'astres rapprochés. Mais si je chante exact, sonore, et si sonore, exact, bien après moi, pendant longtemps encore, chaque ferme a son coq qui chante dans sa cour. Je crois qu'il n'y aura plus de nuit. Quand ? Un jour. Va-t'en donc oublier notre forêt ? Non, certes. Je n'oublierai jamais la noble forêt verte où j'appris que celui qui voit son rêve mort doit mourir tout de suite ou se dresser plus fort. Rentre à ton poulailler le soir par tes échelles. Les oiseaux m'ont appris qu'on monte avec ses ailes. Va voir ta vieille poule au fond de son panier. Oh, forêt des crapauds, forêt du braconnier, forêt du rassignol, forêt de la faisane. Quand elle me verra, ma vieille paysanne, revenir de ton ombre où l'on souffre en aimant, que dira-t-elle ? Il a grandi ? Certainement. Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion télévision française vous a présenté une émission publique du Club d'essai, transmise du Théâtre des Noctambules. Lecture à une voix. Émission de Michel Pollack et Guy Maxence. Aujourd'hui, Chante Claire, pièce de Edmond Rostand, a été lue par Aimé Clarion, sociétaire de la Comédie française. Et cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 16 août 1954. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Thank you.